Dans les premiers temps, qui en suivirent l'aventure de Landry avec la petite Fadette, ce garçon eut quelques soucis de la promesse qu'il lui avait faite. Il craignit bien que lorsque la petite Fadette viendrait réclamer sa récompense, son père ne la mit à la porte en se moquant de sa belle science et de la belle parole que Landry lui avait donnée. Cette peur-là rendait Landry tout honteux en lui-même. Il ne tenait pas pour certain que la petite Fadette se fût gaussée de lui, mais il sentait bien qu'on pouvait avoir du doute là-dessus. D'un autre côté, il ne voyait pas non plus comment il romprait un pareil engagement, car il avait juré sa foi et il l'avait fait, en âme et conscience. Mais, à son grand étonnement, ni le lendemain de l'affaire, ni dans le mois, ni dans la saison, il n'entendit parler de la petite Fadette à la Bessonnière ni à la Priche. Et, lorsque Landry la vit au loin dans les champs, elle n'alla point de son côté et ne parut point faire attention à lui, ce qui était contre sa coutume. Mais la maison de la mère Fadée étant également voisine de la Priche et de la Coste, il ne pouvait se faire qu'un jour ou l'autre, Landry ne se trouva, nez contre nez, avec la petite Fadette dans un chemin. C'était un soir que la petite Fadette rentrait ses oies, ayant toujours son sauterieux sur les étalons, et Landry, qui avait été chercher les juments au pré, les ramenait tout tranquillement à la Priche, si bien qu'ils se croisèrent dans le petit chemin qui descend de la Croix des Bossons au Gué des Roulettes, et qui est si bien fondu entre deux encaissements qu'il n'y ait point moyen de s'éviter. Landry devint tout rouge pour la peur qu'il avait de s'entendre sommer de sa parole, et ne voulant point encourager la Fadette, il sauta sur une des juments du plus loin qu'il la vit, et jouait de sabot pour prendre le trot. Mais celle qui avait enfourché n'avançait pas plus vite pour cela. Landry, se voyant trop près de la petite Fadette, n'osa la regarder et fit mine de se retourner, comme pour voir si les poulains la suivaient. Quand il regarda devant lui, la Fadette l'avait déjà dépassée et elle ne lui avait rien dit. Il ne savait même point si elle l'avait regardé, et si des yeux ou du rire, elle l'avait sollicité de lui dire bonsoir.